Toujours à l'occasion de l'anniversaire de la République, la famille du martyr révolutionnaire chinois anti-japonais Zhang Weifu et le pan d'arc-en-ciel d'Ok Pyongyang du Japon ont fait parvenir le vide-courant les corbeilles de fleurs au dirigeant suprême Kim Jong-un.